La lettre ouverte du Comité de la Défense nationale de la République populaire démocratique de Corée, il faut accepter immédiatement les mesures pratiques, courageuses et réelles pour dissoudre la tension militaire et les dangers conflictuels dans la péninsule coréenne, a été présentée du 20 au 22 courant par l'agence de presse russe TASS, l'agence de presse cubaine Prensa Latina, la VOA des États-Unis, les agences de presse japonaises Kyodo et Chiji.